Les petits cailloux, d'où ils viennent, de Cro-Magnon, du Miocène, je les prends dans la main et les relance plus loin. Les petits cailloux sont des graines qui attendent qu'on les sème. Ils s'en moquent d'attendre, ce ne sont pas des temps. Certains sont marqués par la glace et d'autres taillés en biface. Ils portent des noms bizarres, améthyste, jaune ou quartz. Les petits cailloux, d'où ils viennent, de Cro-Magnon, du Miocène, je les prends dans ma main et les relance plus loin. Les adore, surtout pour eux, les plus forts. Mais si jamais on les casse, c'est un secret qui s'efface. Ils nous révèlent un pic, leur petit morceau d'Afrique. Les petits cailloux, d'où ils viennent, de Cro-Magnon, du Miocène, je les prends par la main et les relance plus loin. Les petits cailloux s'enterrent après un tremblement. Sortir ici-bas, certains rejoindront la braise des volcans ou la glaise, partiront dans mille ans par un trou noir béant. Les petits cailloux, d'où ils viennent, de Cro-Magnon, du Miocène, je les relance au loin. Quand ils tombent dans ma main, je les